années. Hein, hein, la vie de César, la vie de Pacha, comme tous ces bâtards qui parlaient sur moi, qui doutaient de moi. Des grosses claques dans la nuque, faut parler des choses que t'as vues. Tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Mais toi tu fais quoi dans la vie? Les liens qui se perdent c'est dommage. Cœur brisé, pas de collage. Que sont les feuilles d'OCB? Dans toutes les soupes j'ai de la moula. Dans tous les recoins j'ai mes plugs. London, Berlin, Meda. J'peux pas van en ville normale. Les miens la Winnie dans la tété. J'peux pas les calabres, bâtard. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Tu connais pas le type. Tu connais pas le train de vie. Y'a mon personal shopper. C'est lui qui fait les boutiques. Si je veux Gucci, juste un coup de fil. Bébé V Louis V. Je repasse un coup de fil. J'suis pas dans la crypto. Donne-moi le zèle que je peux sentir. Trois élastiques sur les yébis. De tout en temps, c'est comme des briques. Et pour ça, j'ai tapé des points. J'ai changé la devise. Et zappé les chaînes. Car c'est eux qui nous divisent. J'suis un putain d'artiste. Qui a un putain de train de vie, gros. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Me force pas à répéter. Faut nous respecter. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Faut nous respecter. Me force pas à répéter. Faut le respecter.